BTTF. De 7Z2R au poteau. Bébé, bébé, bébé, moi je veux porter un tarpé. Mon bébé, mon bébé, mon bébé, moi je veux porter un tarpé. Elle veut porter mon bébé, moi je veux porter un tarpé. Elle veut porter mon bébé, moi je veux porter un tarpé. Bébé, moi je veux porter un tarpé. Mon bébé, moi je veux porter un tarpé. J'suis au top, j'suis un de ces sales chiens qu'elles adoptent. J'ai le torse et les triceps du tricératops. Tout est vrai, dessous les pieds jusqu'à la barbe. J'suis goût café, torréfié, Jacques Vabre. J'arrive pile au clock, ma sœur. J'suis livré avec le clock, comme ton vibromasseur est livré avec les piles. T'es au courant, j'peux les électrocuter comme Zeus. Le compte courant sur le gros cul des stripteaseuses. Je suis célèbre comme deux airs. Et si tu veux voir d'autres sphères, tu peux monter dans mon fer. Tu peux boire dans mon verre. Recharge de seau, dépêche-toi de te sauver. J'crois pas, mais mes seaux sont l'alcool mauvais. Elle veut porter mon bébé, moi je veux porter un tarpé. Elle veut porter mon bébé, moi je veux porter un tarpé. Bébé, moi je veux porter un tarpé. Mon bébé, moi je veux porter un tarpé. Elle veut porter mon bébé, moi je veux porter un tarpé. Elle veut porter mon bébé, moi je veux porter un tarpé. Bébé, moi je veux porter un tarpé. Mon bébé, moi je veux porter un tarpé. Viens, Sevran, si tu veux de la lourdeur. Tu sors de la chatte à ta maman et t'en as encore l'odeur. On va se croiser, pose-toi toujours deux questions. Si je vais t'embrasser ou te la mettre dans le caisson. Départ, ils peuvent même pas attraper un frisbee. Et ces clébards veulent attraper un grizzly. J'suis wanted comme feu ralette quel cale. Depuis le bled, si je veux, j'prends ta température rectale. L'OVNI va déposer un alien. Et la boîte noire se trouve dans ma boîte crânienne. Je devrais même pas choisir entre elle et mon négro. Mais cette salope a le cul plus gros que mon négo. Elle veut porter mon bébé, moi je veux porter un tarpé. Elle veut porter mon bébé, moi je veux porter un tarpé. Bébé, moi je veux porter un tarpé. Mon bébé, moi je veux porter un tarpé. Elle veut porter mon bébé, moi je veux porter un tarpé.